Assalamualaikum bi nak ben way la won ko waaji mi ngi rom ci buntu ben kanamu ibo rek rom fa ben gaane bu commencé ci saga way yeen ay imbécile ngeen ha waxal jaar fu bon saga nday lepp xam deug du yuxu waaji nak duñ ko mpa ba de mu ne non ki fu ma xam la lay saga mu yegg ci immeuble bi ñew muy laaj mu ne bon je demande ki nek suuf kala jotel fi waaji nak non yeggal premier du fi de mu yegg premier kong kong kong bon je demande ki nek suuf kala jotel fi ñu ne ko non du fi de yegal deuxième mu yegat kong kong kong bon je demande ki ne souf kala jotel fi waaj ne ko non du fi de yegal troisième mu demande kong kong kong bon je demande ki nek fi ki nek souf kala jotel fi ñu ne ko non du fi de yegal quatrième mu demande kong kong kong bon je demande ki nek souf kala jotel fi ñu ne ko non du fi de demande cinquième kong kong kong bon je demande ki nek souf kala jotel fi non du fi de demande cinquième mu ne kong kong kong bon je demande ki nek souf kala jotel fi ñu ne ko non du fi de demande sixième mu demande kong kong kong bon je demande ki nek souf kala jotel fi ñu ko non du fi de demal 7e mu demande kong kong kong bon je demande ki nek souf kala jotel fi ñu ko non du fi de demal 8e mu demande kong kong kong bon je demande ki nek souf kala jotel fi mu demande 9e kong kong kong bon je demande ki nek souf kala jotel fi ñu ko non du fi de demal 10e mu demande feug rek fekk fa ay gaay jël ko sax sax ko dor ko dor ko dor ko quoi yow toj kanam gi lu lañu def ko rek mu wacc suuf commencé sag waye xam yeen ay gor jigen la la ay gor jigen ngeen han mu na len wacc suuf ñu digalé ko fofu ngeen len tok do len wacc ñu xam han imbécile commencé di sag nday rek benen waju mu romon fofu taxaw rot nopi arrêté sag yi nako yow xana dañ la laal